Cinquième partie, dans le défilé. La terre devint marécageuse. Il fallait se glisser parmi les boues ou se traîner sur la rive. Pendant 2 jours, les fugitifs n'avancèrent pas plus vite que les bêtes qui rampent. Puis le fleuve se resserra entre des rives escarpées. Un énorme mur de schiste barra la route. Il était long de 3 000 coudées et haut de 600. À l'occident, il baignait dans le fleuve. À l'Orient, dans un immense et impénétrable marécage. Une seule issue se trouva, un défilé étroit qui se creusait à la hauteur de 300 coudées et auquel on accédait par des pentes semées de blocs fauves. Aoun, qui marchait le dernier, parvint à l'entrée de la passe et s'arrêta pour considérer le site. Pendant ce temps, Ouchre avançait. Elle revint bientôt sur ses pas et annonça « Le marécage s'étend de l'autre côté des rocs. » « Il faudra repasser le fleuve, » dit le Oua, qui avait suivi la femme chef. « Il y a des arbres, nous pourrons construire un radeau. » Aoun poussa une exclamation et tendit la main. Là-bas, entre 2 mares, des hommes venaient d'apparaître. On en compta 7, dont l'aspect était trop caractéristique pour laisser un doute. « Les hommes d'Aule !» s'écria Ouchre. Leur nombre s'accroissait sans cesse. La poitrine d'Aoun s'enfla. Il aspira le souffle fiévreux des eaux palustres. Il épia l'abîme. « Bien avant que le radeau soit construit, murmura-t-il, les hommes d'Aule seront auprès de nous. » De lourdes pierres gisaient autour de lui. Il en roula plusieurs à l'entrée de la passe, tandis qu'Ouche, le Oua et les femmes en transportaient d'autres. Entre les 2 mares, on voyait ramper les Chéléens. La mort s'avançait avec ses êtres sombres. Aoun dit « Le fils de Lurus et 3 femmes défendront le défilé. Zur et les autres femmes construiront le radeau. » Le Oua hésitait. Il fixait sur son compagnon des prunelles tremblantes, l'autre comprenant son angoisse. « Il y a 4 sagaies, 2 harponges. J'ai ma massue, les femmes ont leurs épieux. Si nous ne sommes pas assez forts, je demanderai du secours. Va, le radeau seul peut nous sauver. » Zur céda. Aoun choisit Rouche pour demeurer avec lui. Et une autre femme à la poitrine profonde. Quand il se tourna pour choisir la 3e, il vit Géa qui s'avançait en secouant sa chevelure. Il voulait l'écarter, mais elle le regardait avec une douceur fiévreuse. L'amour fut en lui, le choix tendre que seul Nao avait connu parmi les Oulamres, et les temps innombrables s'étendirent. Il oublia le péril et la mort. Les hommes d'Aule arrivaient. Après s'être frayé un passage entre les mares, ils se répandaient sur la rive rocheuse. L'un d'eux, le corps aussi velu que les ours, montrait des bras énormes. Il maniait sans peine un épieu plus lourd que la massue d'Aoun. À mesure qu'il s'approchait du massif, il s'éparpillait pour découvrir les passages. Plusieurs voies se creusaient dans le roc, mais toutes aboutissaient à des murailles verticales. Seul le défilé paraissait praticable. Aoun, Ouchre, Jéa et la 3e femme achevaient de le fortifier. Ils amassaient aussi des blocs pour écraser les assaillants. On pouvait accéder à la passe par 2 chemins, directement dans le lit où l'eau du printemps et de l'automne se frayait passage, obliquement à travers un dédale de roc. La voie directe permettait un assaut en 3 ou 4 rangs. La voie oblique forçait les assiégeants à se précipiter un par un, mais elle permettait une attaque de haut en bas. À 100 coudées des rocs, les Chéléens s'arrêtèrent. Ils épiaient les mouvements d'Aoun et des femmes. Leurs faces larges ricanaient, et les lèvres bleues s'écartaient sur les dents brillantes. Soudain, ils poussèrent un hurlement lugubre, qui rappelait ensemble les hurlements des loups et des dôles. Aoun montra son harpon et sa massue. « Les Oulamres prendront les terres de chasse des hommes du feu. » Ouche joignait sa voix rauque à celle du fils de Lurus. Elle vociférait. « Les hommes d'Aule ont massacré nos sœurs et nos frères. Nos alliés détruiront les hommes d'Aule jusqu'au dernier. » Puis il y eut un long silence. Un vent humide et chaud s'élevait des marécages. Des aigles et des vautours planaient sur les cimes. On apercevait de monstrueux gavials sur les îles. La voix du fleuve s'élevait dans l'immense solitude, fraîche, vivante et intarissable, comme au premier jour du monde. Les Chéléens se divisèrent en 2 bandes. Le chef conduisait la 1re parmi les méandres. Les autres s'efforçaient d'atteindre directement le défilé en se dissimulant dans les fissures et derrière les blocs. les prunelles étincelant Daoun dénombrait les ennemis. Il élevait le propulseur armé d'une sagaie. Ushr et ses compagnes, au premier signal, lapideraient les survenants. Mais ceux-ci demeuraient invisibles ou apparaissaient entre des obstacles, où il était presque impossible de les atteindre. Cependant, un chéléen se découvrit. Le propulseur tournoya et la sagaie s'enfonça entre les côtes de l'homme. Des roquements s'élevèrent. Le blessé disparut. Attentif, Aoun tenait prêt un deuxième projectile. Bientôt, la marche reprit, surtout sur la voie indirecte où plusieurs guerriers arrivèrent à la hauteur du défilé. On ne les voyait pas. Pour attaquer les assiégés, il leur fallait s'élever encore et escalader une corniche étroite, d'où ils pourraient bondir un à un. Dans l'intervalle, la voie directe fut envahie. Une voix puissante gronda, et d'un élan furieux, 15 hommes se ruèrent. La sagaie siffla, des blocs rebondirent, des cris féroces et plaintifs se répercutaient sur les roches. Les Chéléens n'avaient pas arrêté leur course. Malgré une lapidation incessante et le jet d'un harpon, ils parvinrent à 8 coudées de la passe. 3 avaient roulé dans la ravine, 2 autres étaient blessés. Aoun voyait de près la houle des faces, les feux des pupilles, et il entendait souffler les poitrines. Alors, avec un ahan, il lança un bloc énorme, tandis que les femmes faisaient rouler les pierres désespérément. Un hurlement lugubre retentit sur les roches. Les assiégeants, pêle-mêle, se rejetaient en arrière, et Aoun allait détacher un deuxième bloc lorsqu'une pierre le toucha au crâne. Il leva la tête. Une face rousse ricanait. Coup sur coup, 4 corps bondirent. Aoun avait reculé. Il tenait à 2 mains sa massue. Aouch et Jea dardaient les épieux. De part et d'autre, 3 combattants pouvaient se tenir de front. Il y eut une manière de trêve. La crainte de l'inconnu tenait les hommes d'Oul immobiles. Aoun se demanda s'il fallait appeler à l'aide. En face de lui, le chef ennemi développait sa stature trapue. Son épieu dépassait d'une coudée celui de ses compagnons. Tout son être exhalait la force et l'habitude des victoires. Ce fut lui qui mena l'attaque et son épieu déchira le flanc d'Aouch. Mais Aoun, d'un coup rude, rabattit l'arme. La massue écrasa l'épaule d'un guerrier qui venait de bondir à son tour. L'homme roula sur le sol, tout de suite remplacé par un autre. De nouveaux assaillants survenaient à l'arrière. Alors Aouch poussa le cri de secours que répétèrent Jea et l'autre femme, tandis que les Chéliens se précipitaient avec des grondements de loups. En 3 coups, le fils de Lurus rabattit 3 épieux, dont 2 avaient les pointes brisées. Ushre blessa un homme d'Aul à la poitrine, mais la 3e femme s'affaissait, agonisante. Devant la massue colossale, les agresseurs avaient reculé. Ils se tassaient à l'entrée de la passe. Le chef, ayant relevé son épieu, se tenait à une demi-coudée devant ses hommes. Ceux dont les armes étaient faussées cédaient la place à d'autres. Avec un rire farouche et des grincements de mâchoire, ses yeux agiles percevant chaque geste des antagonistes, le chef chéléen fonça. Loulamre s'effaça, mais l'épieu lui déchira la hanche. Il trébucha. L'autre poussait un cri de victoire. La massue riposta. Le crâne épais du chef craqua. Et rebondissant en arrière avec un cri rauque, l'homme fauve tomba parmi les siens. Pendant un moment, les chéléens tournoyèrent. Leur nombre s'accroissant toujours, ils reprirent la charge. La formidable massue rompait les pointes et écrasait les poitrines. Ushr et Jea frappaient sans relâche. Il fallait reculer cependant devant le nombre, et l'on approchait de l'endroit où, le défilé s'élargissant, l'attaque des Chéléens deviendrait efficace. D'un effort immense, brisant de toutes parts les épieux, le fils de Lurus réussit à immobiliser l'ennemi. Une clameur furieuse montait. À l'autre issue du défilé, les louves parurent. Le propulseur de Zour par 2 fois lança des sagaies qui trouaient les épaules, et la massue s'élevait pour un écrasement suprême. Ce fut la panique. Les dôles reculaient tous ensemble, entraînant les blessés et même les morts. Ils renversaient les blocs, roulaient sur la pente, se réfugiaient dans les anfractuosités et les fissures. Il ne restait qu'un mort et un blessé qui roquaient lamentablement. Les femmes l'achevèrent. L'incertitude tint les assiégés immobiles à l'ouverture du défilé. Les Chiléens étaient redevenus invisibles. Des cadavres gisaient parmi les schistes. Alors la victoire exalta les femmes. Elles se penchaient sur les blocs. Elles clamaient sauvageusement. Aoun, malgré ses blessures, connaissait une joie orgueilleuse. N'est-ce pas lui qui avait brisé le choc des épieux, terrassé le chef et répandu l'épouvante parmi les hommes d'Aul? Il avait aussi sauvé Dje'a de la pointe qui allait lui percer la poitrine. Son regard rencontra le regard de la guerrière, si bien qu'une émotion subtile se mêlait au triomphe. Devant les beaux yeux d'ombre, devant les grands cheveux répandus, comme une végétation plus douce que toutes les plantes fines de la savane ou de la jungle. Le roi disait « Zur et les femmes ont trouvé du bois en abondance. Le radeau est presque fini. » « C'est bien, le fils de Lerus demeurera avec 6 louves pour défendre le défilé. Zur achèvera le radeau avec les autres. » Une lamentation s'élevait. La femme blessée sentait venir l'horreur mystérieuse, le souffle glacé du néant. Son âme étroite et précise s'emplit d'un vœu immense. Elle revit les sylves et les aurores, les jours où la vie abonde, les soirs où le feu répand sa vie chaude. La mémoire de la durée était en elle que non point les gores, les dôles ni les lions, la mémoire née de la parole qui ressuscite les jours révolus. Un moment, elle connut le regret amer, la fièvre ardente du passé. Puis elle ignora. L'éclair s'évanouit qui avait montré la mort. Elle ne fut qu'une bête obscure qui s'éteint dans l'immensité impassible, et son visage devint roide, tandis que ses compagnes poussaient une clameur grave, une mélopée confuse, où s'ébauchaient les rythmes et les chants de l'homme. Le temps a passé. On dirait que les Chiléens ont disparu, mais Aoun les entend grouiller vers la gauche, et sait qu'ils se frayent une voie pour franchir les cimes et fermer la retraite à l'autre issue de la passe. S'ils parviennent au but, leur victoire est certaine. Malgré leur perte, ils conservent la supériorité du nombre, de la force et de l'agilité. Seul Loulam les domine, et seul Uchre et Aoun sont affaiblis par leurs blessures. Et Loulam écoute avec une inquiétude croissante les mouvements de l'adversaire. À la longue, plusieurs Chéléens deviennent visibles. Ils sont parvenus à 5 coudées d'une corniche, tantôt en grimpant sur les épaules des compagnons, tantôt en creusant des marches dans le schiste friable. Pour atteindre la corniche, il suffira de pratiquer 5 ou 6 marches, sur une pente lisse, légèrement inclinée. Ils commencent à tailler les 2 premières. Pour les arrêter, Aoun lance son dernier harpon. Mais l'arme ricoche sur une saillie. Il jette aussi quelques pierres, que la distance rend inefficace. Aucune attaque directe n'apparaît possible. La lutte est entre ceux qui relient les branches du radeau et ceux qui creusent le sol. Puisqu'aucune attaque du défilé n'est imminente, Aoun renvoie 2 femmes pour hâter l'œuvre du roi. La 3e marche, puis la 4e, sont tracées. Encore une et les hommes d'Aul atteindront la corniche, d'où ils s'élanceront vers la cime. Cette dernière marche semble plus difficile à réussir que les autres, mais déjà un Chéléen, perché sur les épaules d'un autre, l'entame. Alors Aoun dit à ses compagnes « Allez rejoindre Zur, il faut que le radeau soit terminé. » Aoun défendra seul le passage. Uchre, ayant scruté les rocs, appelle les autres femmes. Dje'a enveloppe Aoun d'un regard suppliant et s'éloigne avec une faible plainte. Penché sur les crénelures, il lance des pierres sans pouvoir arrêter les Chéléens. La marche est terminée. Un premier guerrier se hisse sur la corniche, puis un autre. Le chef même que la massue de Loulam avait stupéfié rampe le long des schistes. En peu de bonds, Aoun atteint l'autre issue de la passe, puis descend vers le fleuve. Déjà les premiers Chéléens surgissent à la cime. « Le radeau n'est pas fini, » dit Zur, « mais il nous portera jusque l'autre rive. » Sur un signe d'Aoun, les femmes saisirent l'informe enchevêtrement de branches et de lianes et le firent descendre sur le fleuve. Un long rugissement s'éleva. Les Chéléens arrivaient. Pêle-mêle, les femmes s'embarquèrent, et l'ennemi n'était qu'à 50 coudées. Lorsque Aoun et Zur le suivirent. « Avant 8 matins, nous aurons anéanti les dôles, » gronda le fils de Lerus, tandis que l'eau emportait l'embarcation.